734, activation orale, dialogue entre Hubert et Mireille. Vous allez entendre une conversation entre Hubert et Mireille. Écoutez attentivement, vous allez apprendre les réponses de Mireille. Il est comment, ce Robert? Il est grand? Non, il n'est pas grand. Il n'est pas petit non plus. Ah? Il est blond? Roux? Non, il est brun. Il a les cheveux noirs et les yeux marrons. Et au moral, comment est-il? Il est très gentil, très sociable et très indulgent. Répétez. Il est comment, ce Robert? Il est grand? Non, il n'est pas grand. Il n'est pas petit non plus. Ah? Il est blond? Roux? Non, il est brun. Il a les cheveux noirs et les yeux marrons. Et au moral, comment est-il? Il est très gentil, très sociable et très indulgent. Maintenant, à vous. Il est comment, ce Robert? Il est grand? Ah? Il est blond? Roux? Et au moral, comment est-il?